Mrs. Aouda remercia ses sauveurs avec effusion, par ses larmes, plus que par ses paroles. Puis, ses regards revoyant cette terre indienne, où tant de dangers l'attendaient encore, elle fut prise d'un frisson de terreur. Phileas Fogg, pour la rassurer, lui offrit, très froidement d'ailleurs, de la conduire à Hong Kong, où elle demeurerait, jusqu'à ce que cette affaire fût assoupie. Mrs. Aouda accepta l'offre avec reconnaissance. Précisément, à Hong Kong, résidait un de ses parents. À midi et demi, le train s'arrêtait à la station de Bénarès. C'était là que devait s'arrêter Sir Francis Cromarty. Les troupes qu'il rejoignait campaient à quelques milles au nord de la ville. À partir de Bénarès, la voie ferrée suivit en partie la vallée du Gange. À travers les vitres du wagon, par un temps assez clair, apparaissait un paysage varié, puis des montagnes couvertes de verdure, des champs d'orge, de maïs et de froment, des rios et des étangs peuplés d'alligators verdâtres, des villages bien entretenus, des forêts encore verdoyantes. Quelques éléphants, des zébus à grosses bosses, venaient se baigner dans les eaux du fleuve sacré, et aussi, malgré la saison avancée et la température déjà froide, des bandes d'hindous des deux sexes qui accomplissaient pieusement leurs saintes ablutions. Puis la nuit vint. À 7 heures du matin, Calcutta était atteint. Le paquebot, en partance pour Hong Kong, ne levait là qu'à midi. Phileas Fogg avait donc 5 heures devant lui. D'après son itinéraire, ce gentleman devait arriver dans la capitale des Indes le 25 octobre. Les 2 jours gagnés par lui, entre Londres et Bombay, avaient été perdus, on sait comment, dans cette traversée de la péninsule indienne. Mais il est à supposer que Phileas Fogg ne les regrettait pas.